Je voudrais être un petit chien errant. Ne plus m'accrocher au temps. Ne plus me soucier du sang et de l'argent. Être juste un enfant. Patauger dans les grands champs de blé. N'entendre personne gueuler. Me faufiler dans le port désaffecté. Et simplement rêver. Et simplement rêver. Être juste un enfant. Je donnerais tout pour mourir et crever, et m'incarner en petit chien, échapper à la masse amère, et m'envoler au loin. Putain de monde d'où personne ne vit, où tout le monde survit. Putain de siècle qui me laisse un goût infect. Pitié que tout s'arrête. Pitié que tout s'arrête. Pitié que tout s'arrête. Être juste un enfant. Être juste un enfant.